senti tout pot la vie ou femme, tant que yo te femme, bonne ville Jericho. Josué te marché fait one villa, levé marché pour ta faire one l'église là. Si ouvre les murailles qui devant l'en tomber, fais une fois chaque jour qu'on ça pendant six jours. Sous septième jour, nous bral fait cette one l'église là, pour nous chanter, danser, louer dans bon Dieu. Nous bral observer tout ça dit nous faire, et tes bouches fermées sans nous pas dire un mot. Tous les nous va joindre l'autre pour nous pousser en rêve. Muraille va tomber. C'est un grain de montagne, quoi tous ces murailles là, et il va déplacer. Dernier jour ça, faut que nous délivrer, tous ces soldats bondiers, faut que nous gagne victoire. C'est prêt, yo, à marcher devant boîte contrat, avec cette bonne bélier, yo, yo, non, chaque main. Tout en a marché pour nous faire one l'église là, c'est pour nous tendre l'œil, yo, dis nous pour nous relayer. Portion la main qui devant, portion la mea qui pour derrière. Deuxième fois prête, yo fin, qu'on est comme bélier, yo. Alléluia, alléluia, levez-moi, levez-moi, levez-moi.